la douleur. Elle vient de frapper au naturel. C'est bizarre, certains la veulent alors que nous on l'a tuée. La misère, toujours là à nous accompagner. Tu peux demander aux riches qui sont manquent à nous comparer. Et merde, il pleut un poil dans les poches. Lorsque tu m'as quitté, j'ai ressenti comme une balle dans l'épaule. Le bonheur, lui qui me charrie tous les jours. J'aimerais enfin le rencontrer afin de lui rendre tous ses shoots. Mais tous ces shoots demandent à mes straps de s'écrouler. Ton rêve se fracasse autant de fois qu'on surpassera tous ces écrous. L'amour, je t'en parle, même pas j'en suis d'être. Comme Pesca et Vinci, en rêve d'une baraque dans le sud-ouest. La rage, celle qui m'habite au quotidien. À côté d'elle, je veux l'oublier, mais je me rends compte que gros j'y tiens. Ma musique, certes, elle apprécie, d'autres la détestent. Si tu kiffes pas, barre-toi, bonhomme, ou écris des textes. La police, les bavures, les cons, les méfaits. Tu pourras dire à ces ordures qu'on va pas se laisser faire. L'apparence, tu veux la voir, viens regarder nos têtes. Tu peux demander à Sémine, on veut juste braquer le notaire. La morale, certains la veulent, certains la connaissent. Regarde, je te la donne, ne pas faire confiance à son collègue. La vérité, c'est qu'en vérité, personne ne la sait. Mais tu pourras pas dire que la terreur, personne ne la sème.